Oui, allô? Frank, auras-tu la météo pour la fin de semaine? T'as peu. Mon portable me dit que demain... Wow, 15! 15 degrés? Ah ouais. Et dimanche? Dimanche, 15. Encore 15 degrés? Non, 15 cm. Maudite saison agace! Après une saison de repas trop gloutons, où j'ai bonifié ma stature et deux trous à ma ceinture, c'est fini l'hiver, mes deux yeux m'ont prescrit un régime sévère de bretelles spaghetti. Tante Marie en bikini, Marc Bureau en speedo, Sénac en chou claque pipette, non je mets en costume de bain. Monsieur Bureau, beau speedo. Merci beaucoup. Bon costume de bain, monsieur Jobin. Et vous, Monsieur Psenac... Ouais, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Là? Sont belles mes claques? Oui, mais t'aurais pu mettre d'autres choses en plus de tes claques. Ah, oh, je voulais faire comme vous, juste mettre le morceau de linge qui rime avec mon nom. Ouais, là, il y a un malaise, là. Ah non, sont très très beaux tes choucraques. Je dis bon débarras à l'hiver et ses tracas. Le verglas, la neige et les tatas qui se battent dans les arénas. Je viens de trouver les crottes du chien l'an passé. Mon chat noyé dans le fossé. C'est le printemps en Outaouais. À bagner les rues et les trottoirs sont plus nus. Le printemps se prostitue. C'est le printemps à Ottawa. Les petites civiques, les vite baisser la musique. Que qui joue fort en estique. C'est... Stephen Harper en boxer, Justin Trudeau en maillot, Thomas Mulcair en brassière, c'est le printemps à Ottawa. Enfin le printemps, on peut serrer notre pelle, envoyer nos enfants jouer dans la cour en snorkel. François Ier élu, Philippe Couillard barbu, l'église a eu son conclave, les libéraux leur concave. Les bourgeons ressortent et les érables coulent, ma suspension est morte, dans Capital y'a trop de nid de poule. Bon, on va appeler Luc sur son sel. Oui, allô? Donc, depuis quand que t'écoutes de la musique dance dans ton auto? Là? J'écoute pas du dance, je suis sur Saint-Patrick. Aïe aïe, il y a un dos d'âne à tous les 10 pieds ici. Les manifs d'étudiants sont de retour apparemment. Même si on commence à être tanné de les voir en sacrant. Cette censure vous est présentée par Liquid Paper. Ce matin j'ai croisé un gros troupeau d'acné en scooter sur Maloney. C'est le printemps en Outaouais. Les impôts vont passer, l'État va me collecter. C'est la saison des huissiers. C'est le printemps à Ottawa. La rouille a fait mal à mon auto toute sale et les arbres en métal. C'est le printemps en Outaouais. Ils sont bien durs ces arbres-là. Ouais, mais hein. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ben là, on entaille, là. Ben voyons, coin Sacré-Cœur, Maisonneuve. C'est des arbres en métal, ça. Ben oui, mais c'est ça qu'on cherche, du sirop de poteau. Et dans tous les champs, il y a le parfum du printemps. Ça sent le caca de ruminant. C'est le printemps à Ottawa.